Si le baron Hulot s'occupa de sa protégée, il n'oublia pas son protégé. Le ministre du Commerce, le comte Popinot, aimait les arts. Il donna 2000 francs d'un exemplaire du groupe de Samson, à condition que le moule serait brisé, pour qu'il n'existât que son Samson et celui de Mademoiselle Hulot. Ce groupe excita l'admiration d'un prince à qui l'on porta le modèle de la pendule et qui la commanda. Mais elle devait être unique, et il en offrit 30 000 francs. Les artistes consultés, au nombre desquels fut Stidmann, décidèrent que l'auteur de ces deux œuvres pouvait faire une statue. Aussitôt, le maréchal-prince de Wissembourg, ministre de la guerre et président du comité de souscription pour le monument du maréchal Montcornet, fit prendre une délibération par laquelle l'exécution en était confiée à Steinbock. Le comte de Rastignac, alors sous-secrétaire d'État, voulut une œuvre de l'artiste dont la gloire surgissait aux acclamations de ses rivaux. Il obtint de Steinbock le délicieux groupe des deux petits garçons couronnant une petite fille, et il lui promit un atelier au dépôt des marbres du gouvernement, situé, comme on sait, au Gros Caillou. Ce fut le succès, mais le succès comme il vient à Paris, c'est-à-dire fou. Le succès a écrasé les gens qui n'ont pas des épaules et des reins à le porter, ce qui, par parenthèse, arrive souvent. On parlait dans les journaux et dans les revues du comte Wenceslas Steinbock, sans que lui ni Mademoiselle Fischer en eussent le moindre soupçon.